Première partie, chapitre 24e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 24e. Qu'il faut même purifier l'âme des imperfections naturelles. Nous avons encore filoté de certaines inclinations naturelles, lesquelles, n'ayant pas tiré leur origine de nos péchés particuliers, ne sont ni péchés mortels, ni péchés véniels, mais on les appelle imperfections et on nomme leurs actes des défauts et des manquements. Par exemple, sainte Paul, comme le rapporte saint Jérôme, était naturellement si mélancolique qu'elle pensa plusieurs fois mourir de tristesse à la mort de ses enfants et de son mari. C'était en elle une grande imperfection, et non pas un péché, par la raison que la volonté n'y avait point de part. Il y en a qui sont d'un naturel léger, d'autres d'une humeur rébarbative, d'autres d'un esprit indocile et dur, à la complaisance que l'on doit aux sentiments et aux conseils de ses amis. Plusieurs d'une bile facile à s'enflammer, plusieurs d'une tendresse de cœur trop susceptible des amitiés humaines. En un mot, il n'est presque personne en qui l'on ne puisse remarquer une imperfection semblable. Or, quoique ces inclinations soient naturelles, on peut les corriger et les modérer en tâchant d'acquérir les perfections contraires. L'on peut même s'en défaire absolument. Et je vous dis, Philothée, que vous devez aller jusque-là. N'a-t-on pas trouvé l'art de donner de la douceur aux amandiers les plus amers, en les perçant seulement aux pieds, pour en faire sortir un suc âpre et rude? Pourquoi donc ne pourrions-nous pas nous décharger de nos inclinations perverses, n'en retenant que ce qu'elles ont de bon pour en faire des dispositions favorables à la pratique de la vertu? Comme il n'y a point de si bon naturel que les habitudes vicieuses ne puissent corrompre, il n'y en a pas non plus de si méchant qu'on ne puisse dompter et entièrement changer par une constante application soutenue par la grâce de Dieu. Je m'en vais donc vous donner les avis et vous proposer les exercices que je juge les plus nécessaires pour dégager votre âme de toutes les mauvaises affections aux péchés véniels, de tous les attachements aux choses inutiles et dangereuses et de toutes les imperfections naturelles, et votre âme en sera encore mieux précautionnée contre le péché mortel. Dieu vous fasse la grâce de les bien pratiquer. Fin du chapitre 24e. Première partie.